Tu peux pas mettre l'aigle en cage, enfermer un loup dans le zoo. Mec, je la joue franco, je compte plus les coups dans le dos. Là depuis un bout de temps gros, mais j'ai l'air d'un jouvenceau. Tu sais que les sous mango, je veux aller tout en haut. Te prends pas pour un mot, viens faire un tour dans le hall. Y'a de la poudre en bloc, revendue sous le manteau. En Mercedes rouge fantôme, c'est le diable couvre l'enclos. Au rendez-vous sans faute, chérie j'ai toujours sans chaud. Bande de tympus, je ne m'avouerai jamais vaincu, je ne vous crains plus. C'est moi l'empereur de la crasserie, le public l'a enfin vu. Dans le contrat c'est inclus, ma voix sur l'instru, je repère les intrus. Je leur souhaite la bienvenue, la drogue influe sur mon comportement et sur mes doigts j'ai plein de triple F. Insulte sur insulte, je mets des coups de ceinture, je vais te dire un truc, je tape l'incruste. Je crache sur ta teinture, les barrettes sont aussi grosses que tes putains de bâtonnets Findus. Je vole sur un imbus, je récolte le quintuple, mais je mérite bien plus. Balaf sur la joue, on a trop de bagou, tu regrettes face à nous. Soldats au garde à vous, y'aura du sang partout. Rappelle ton marabout, tu me suces par amour. En état d'ébriété, devant ces sales abrutis, le charge l'ai évité. Le 9-1 va te suriner, le H est effrité. Je vis la célébrité dans l'insalubrité. Tu peux pas mettre l'aigle en cage, enfermer un loup dans le zoo. Mec, je la joue franco, je rends plus les coups dans le dos. Là depuis un bout de temps gros, mais j'ai l'air d'un jouvenceau. Tu sais que les sous mango, je veux aller tout en haut. Te prends pas pour un mot. Viens faire un tour dans la houle. Y'a de la poudre en bloc, revendue sous le manteau. En Mercedes rouge fantôme, c'est le diable couvre l'enclos. Au rendez-vous sans faute, chérie j'ai toujours le sang chaud. J'ai bien caché toute ma drogue dans son string. J'ai compris, je compte récupérer tout ce qu'ils m'ont pris. Si Dieu veut, je reverrai plus jamais mes comptes vides. Ouais, je donnerai jamais le blast de mes complices. Et en plus, je signe des contrats en maison disque. Avec ces rappeurs, y'aura toujours des conflits. T'envoies des pics, mais en face, tu te dégonfles vite. Faut que je me déconstipe et que j'envoie des bons titres. Je visite des villages, je suis pas là pour leur plaire. Je lis le livre des visages, comme Mark Zuckerberg. Accélère dans les virages, on débarque sous leurs fenêtres. L'aigle royal de Carthage, ne cherche que la couleur verte. Je viens de la Tunisie, comme l'empereur Émilien. Je vois tout mais je dis rien, je dors au méridien. Avec un masque vénitien, je suis un vrai technicien. Le code est égyptien, comme tous ces reptiliens. Tu peux pas mettre l'aigle en cage, enfermer un loup dans le zoo. Mec je la joue franco, je rends que les coups dans le dos. Là depuis un bout de temps gros, mais j'ai l'air d'un jouvenceau. Tu sais que les sous mango, je veux aller tout en haut. Te prends pas pour un mot. Viens faire un tour dans le hall. Y'a de la poudre en bloc, revendue sous le manteau. En Mercedes rouge fantôme, c'est le diable couvre l'enclos. Au rendez-vous sans faute, chérie j'ai toujours le sang chaud. Tu peux pas mettre l'aigle en cage, enfermer un loup dans le zoo. Mec je la joue franco, je compte plus les coups dans le dos. Là depuis un bout de temps gros, mais j'ai l'air d'un jouvenceau. Tu sais que les sous mango, je veux aller tout en haut. Te prends pas pour un mot, viens faire un tour dans le hall. Y'a de la poudre en bloc, revendue sous le manteau. En Mercedes rouge fantôme, c'est le diable couvre l'enclos. Au rendez-vous sans faute, chérie j'ai toujours le sang chaud. Camo vert kaki, je chevauche Pegasus. Je ne décapite que les méga putes. Toutes ces gamines se prennent pour